Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 avril 2019. Voici les grands titres de cette édition. Le parti CNDD-FDD déclare son intransigeance à l'endroit de ceux qui tenteront de perturber l'ordre ou de prendre le pouvoir par force. Cette sortie médiatique de ce 25 avril 2019 du secrétaire général de ce parti coïncide aux 4 ans écoulés après la tenue du congrès qui a désigné le président Nkurunziza comme candidat aux élections de 2015. Et les juges des tribunaux de résidence dans le collimateur des élus du peuple, ils l'ont dit au médiateur national qui présentait ce mercredi son rapport annuel devant la chambre basse du Parlement. On fait le point dans ce journal. Et un couvre-feu de 20h30 a été instauré à Guihanga dans la province de Bouvanza à partir de ce mercredi consécutivement à une attaque armée perpétrée contre le commissariat de police dans la nuit de ce lundi. Notre correspondante à l'ouest du pays nous en donnera les détails. Et les Burundais sont sollicités à soutenir financièrement l'équipe nationale de football des Inhamba Murugamba qui affronte la phase finale de la CAN pour la première fois et ce sera en juin prochain en Égypte. Le président de la Fédération burundaise de football FFB a lancé officiellement ce jeudi la campagne baptisée Dushigikiri Nambazachu. Et dans la chronique justice au jeudi, on revient sur la définition de la grâce présidentielle et sur son champ d'application. Éclairage avec un praticien du droit, Maître Fabien Segatoua. Ce sera à la fin de cette édition. Rebonjour et bonne réception. Le parti CNDD-FDD ne va pas tolérer ceux qui tenteront de perturber l'ordre ou de prendre le pouvoir par la voie de la force. Déclaration du secrétaire général de ce parti, sortie à l'occasion de 4 ans écoulés après la tenue du congrès qui a désigné le président Nkurunziza comme candidat aux élections de 2015. Évariste Ndayishimiye a dénoncé les pays qui, selon lui, ont pris des mesures qui asphyxient la population. Il a également encouragé la population à continuer à s'atteler aux travaux de développement. Les détails avec Oban Niyonkuru. Le parti CNDD-FDD affirme qu'il ne tolérera jamais quiconque veut freiner l'étape déjà franchie dans la sauvegarde de la paix, de la concorde nationale, de la sécurité et de la démocratie avec intention d'accéder au pouvoir par la force et exhorte les autorités habilitées à se saisir de ces cas et intervenir en temps utile afin que cessent ces agissements dans notre âge. Le parti CNDD-FDD condamne certains radicaux utilisés comme des pions contre leur propre pays. Le parti CNDD-FDD saisit cette occasion pour remercier vivement les Burundais qui avaient fui le pays suite aux rumeurs et qui ont pris la décision de retourner au bercail et encourage les autres à faire de même en se libérant de ceux qui veulent les maintenir dans les conditions déplorables de l'exil. Le parti CNDD-FDD recommande aux Burundais en général et aux Bagumnawanga en particulier de continuer à sauvegarder la paix, la sécurité et de ne pas se laisser distraire par les rumeurs qui se disent à travers les médias, les partis politiques, les églises et autres canaux de communication. De bien se préparer aux élections 2020, aux pays qui prennent encore en otage les réfugiés burundais, de respecter les conventions internationales relatives aux réfugiés et les laisser rentrer au Burundi afin de jouir pleinement des droits et devoirs de tous les citoyens. C'était Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, extrait de sa déclaration recueillie par Aubin Niyonkuru. Il n'y a pas de mobile politique à l'origine du climat malsain qui prévaut en commune Wutihinda de la province Muyinga. Ce sont les propos d'Aline Manirabarusha. C'est le gouverneur de la province Muyinga. Après les échauffourées éclatées sur la colline Rukira de la commune Wutihinda et ayant occasionné des pertes en vies humaines et des blessés. Il affirme cependant qu'une réunion a été tenue ce mercredi pour tenter de rétablir le calme dans cette localité. Suivez-la au téléphone avec Eli Nibel Nibigira. Dans le rapport de sécurité que j'ai reçu dans la communauté de l'État, le traité a bien souligné que Abdi, la situation sécuritaire est bonne, sauf qu'il y a des fois dans la nuit des gens qui vont dans des cabarets au-delà de 21h, parce que c'est à 21h, c'est la dernière heure de fermer les cabarets dans les collines. Alors, dit qu'ils ne connaissent pas ces types de gens qui vont dans ces cabarets. Des fois, ils font des groupes de 10, de 8. Alors, la fois passée, ça a eu le cas où se chamailler. Mais une opinion parle de mobiles politiques à l'origine de ce climat malsain en commune Outi-Hinda. Je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de mobile politique parce que ici à Muyinga, même à Outi-Hinda, tant que dans d'autres communes, les partis qui sont en ordre travaillent bien, à l'aise, parce qu'ils demandent la permission qu'ils vont faire des réunions et ils le font à l'aise. Et je sais que à partir de 18h, même si le parti est en ordre, il est interdit de faire des réunions au-delà de 18h. Seulement, il y a ces gens qui font ces réunions dans des cabarets au-delà des heures de 18h. Il y a des personnes qui se sont récemment battues. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'intolérance politique entre les jeunes du parti de l'opposition et ceux du parti au pouvoir? Non, je ne comprends pas comment ces partisans du tel parti, peuvent faire des réunions au-delà de 18h. C'est-à-dire vers 21h et au-delà. C'est quasiment impossible. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de la population pour apaiser ces tensions? J'appelle à la population de rester serein et de rester vigilant. J'appellerai aussi les chefs des partis politiques de bien dire à leurs partisans de continuer à demander des permissions pour travailler. C'était le gouverneur de la province de Muyinga, Aline Manirabarusha. Sécurité toujours en couvre-feu de 20h30 a été instaurée à Gianga, dans la province de Bubanza, à partir de ce mercredi. Une annonce faite par le gouverneur de cette province lors d'une réunion de pacification. La décision est consécutive à une attaque armée perpétrée contre le commissariat de police dans la nuit de ce lundi. Une attaque qui a emporté la vie d'une personne et au cours de laquelle un policier a été blessé. Les détails avec Spes Caritas Cavagnana. C'est pour des raisons de sécurité qu'un couvre-feu a été instauré en commune Gihanga, dans la province de Bubanza, selon le gouverneur de cette province. Terence Nobis Butoyi l'a dit ce mercredi lors d'une réunion de pacification après une attaque armée perpétrée dans la nuit de ce lundi. Terence Nobis Butoyi a également interdit à tous ceux qui passent des journées sur des rigala en jouant des jeux de hasard. Parmi eux figurent des malfaiteurs qui n'attendent que la nuit pour nuire à la population, comme il l'a précisé au cours de cette réunion. Toutes les autorités administratives et sécuritaires qui ont pris la parole ont appelé la population à sauvegarder la paix et la sécurité, à renforcer la cadrologie afin de mener une communication efficace et à temps. Toute personne qui sera donc attrapée dans la rue à 20h30 sera sanctionnée conformément à la loi selon ces autorités. Cette réunion de pacification intervient après une attaque perpétrée par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés dans la nuit de ce lundi à mardi. Contre le commissariat communal de police, une personne a été tuée, un policier a été blessé par des éclats de grenades, selon des sources policières. Spes Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci Spes. Je vous l'avais dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale demande à l'ombudsman burundais de suivre de près les juges des tribunaux de résidence, car ceux-ci sont mal vus par la population. Pascal Nyabenda l'a exprimé devant Edouard Nduimana qui présentait son rapport annuel de 2018 devant la chambre basse du Parlement. L'ombudsman burundais a indiqué qu'il va demander des moyens au fond pour la consolidation de la paix pour faire des enquêtes afin d'évaluer le travail de ces juges des tribunaux de résidence. On fait le point avec Marie-Claire Cazenez. Sur base de l'article 216 de la Constitution du Burundi, qui stipule que l'institution de l'ombudsman peut intervenir sur le comportement des juges, le président de l'Assemblée nationale a demandé à l'ombudsman burundais de suivre de près les juges des tribunaux de résidence car ceux-ci sont mal vus par la population. D'après ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on voit même lors de la descente de nos commissions, surtout celle de la justice et des droits de l'homme, franchement, ils sont mal vus par la population. Je m'adresse surtout à ces juges des tribunaux de résidence. À ce point, vous pouvez les suivre de près. Pascal Nyabenda a également précisé qu'il s'observe encore les causes de la non-mise en exécution des simples jugements rendus. On parle encore de ce qui est en rapport avec les frais de déplacement. Les jugements rendus ne sont pas mis en exécution à cause de la demande de ces frais. L'ombudsman burundais, en présentant son rapport annuel de 2018 ce mercredi devant l'Assemblée nationale, a expliqué que grâce à un projet du Fonds de la consolidation de la paix qui se charge d'appuyer dans la justice de proximité, il va demander des moyens afin d'évaluer le travail de ses juges dans quelques provinces du pays. J'aimerais vous dire qu'il y a un projet du Fonds de consolidation de la paix qui veut intervenir dans la justice de proximité et même la ministre de la Justice en est au courant. Alors, par ce projet, nous voulons demander des moyens pour faire des enquêtes afin d'évaluer le travail de ces juges des tribunaux de résidence si réellement ils travaillent pour le compte de la population. Edouard Ndouimana critique le comportement de quelques ministères qui n'exécutent pas les recommandations faites par son institution et demande les concernés de prendre en main cette question. Marie-Claire Kazeneza. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2019-2020 prévoit une indépendance budgétaire estimée à 84,6%. Un projet récemment adopté en Conseil des ministres est déjà sur la table de la Chambre basse du Parlement burundais. Ce projet contient de grandes priorités basées sur le plan national de développement 2018-2027. Et parmi ces priorités figure la poursuite des provisions pour les élections de 2020, ainsi que la poursuite de la politique d'harmonisation des salaires entamée depuis 2016. Mireille Kanyang pour plus de précisions. Les ressources du budget général de l'État exercice 2019-2020 sont estimées à 1327,1 milliards de francs burundais, alors qu'elles étaient de 1237,1 milliards de francs burundais pour l'exercice budgétaire 2018-2019. Ce projet, qui vient d'être analysé en Conseil des ministres et qui est déjà sur la table de la Chambre basse du Parlement burundais, comprend 11 grandes priorités. C'est notamment la poursuite des provisions pour les élections de 2020 pour un montant de 33,2 milliards de francs burundais, l'appui au projet de développement des communes avec un impact global de 67,8 milliards de francs burundais et chaque commune aura 570 millions de francs burundais. L'autre priorité, c'est le fonds d'impulsion et de garantie pour appuyer les coopératives des jeunes pour un montant de 4 milliards de francs burundais. Il y a également la finalisation de la construction du barrage hydroélectrique de Mhanda pour un montant de 18,6 milliards de francs burundais. Ce projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2019-2020 prévoit également la mise en œuvre du projet Weburundurambaye pour un montant d'un milliard de francs burundais. Il y a en outre la poursuite de la politique de subvention des engrais pour un montant de 10 milliards de francs burundais. On notera également la poursuite de la politique d'harmonisation des salaires entamée depuis l'année 2016 pour un montant chiffré autour de 24,4 milliards de francs burundais. L'autre priorité, c'est la poursuite de la politique de financement basée sur la performance dans le domaine de la santé pour un montant de 24 milliards de francs burundais. La priorité, c'est également le recrutement de 1000 enseignants du primaire et du secondaire et 201 personnels soignants pour un montant global de 3,6 milliards de francs burundais. L'autre priorité, c'est l'augmentation de la part des actions de l'État à la banque BBCI pour un montant de 2 milliards de francs burundais. Il y a également la poursuite de la politique de soutien du secteur de l'éducation pour un montant de 4,5 milliards de francs burundais. Ce projet de loi prévoit également l'élaboration des plans communaux de développement communautaire PCDC pour un montant de 200 millions de francs burundais. Ce projet de budget exercice 2019-2020 sera financé par les ressources internes à un taux estimé à 84,6%. Dans nos éditions ultérieures, on vous parlera des recettes de ce taux d'indépendance budgétaire. Merci Mireille. On parle salubrité maintenant. L'enlèvement des déchets des marchés de la mairie de Bujumbura a été confié à différentes associations. Mais comme le rappelle David Ndaïzeye, chargé de la salubrité dans ces marchés, quand une société s'avère incapable d'accomplir sa mission, la mairie se charge d'enlever ses déchets en urgence en attendant le remplacement de la société défaillante par une autre. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une vingtaine de batois de la colline Ruvumu en commune Kiremba dans la province d'Ongozi commence à être sensible à la culture du café. Cela étant, ces batois demandent des terres où cultiver cette culture industrielle. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyanga depuis Kiremba en Ngozi. Ces 25 familles de la communauté Botois indiquent avoir abandonné la poterie, mais ils demandent l'intervention d'urgence en attendant la cueillette du café ainsi que d'autres plantations intercalaires. Ces Botois de Rouvumo disent faire face à un manque de terres cultivables, d'où ils lancent un appel au gouvernement de voir comment faciliter les Botois. Niboye Nicolas et Moutoua, membres du conseil communal de Kirimba, plaident en faveur des Botois de la localité. Vous voyez que le ministère en charge d'attribution des terres se trouve à Bujumbura. Nous aimerions qu'il y ait un arrangement pour nous les Botois, pour que cette attribution se fasse au niveau local. Le moniteur Teikole de Rouvumo, Bigirimana Jean-Marie, indique qu'il va continuer à sensibiliser cette couche de la population qui commence à abandonner la poterie. Une action bien accueillie par Sénac Mourima Wissangi, antenne Ngozi, depuis Kirimba de la province Ngozi, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Évariste. Cap maintenant sur la province de Cibitoke où certaines cultures maraîchères ne sont plus cultivées depuis plus de 2 ans. En raison des travaux de réhabilitation en cours des canaux d'irrigation, les cultivateurs concernés par cette situation s'en plaignent. Mais le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage indique leur demande de patienter en attendant la fin des travaux. Alexis Ndairagiche. Ces cultivateurs qui grognent sont des 8e, 9e, 10e, 11e et 12e transversales Cibitoke de la commune Rugombo. Ces cultivateurs cultivaient des cultures maraîchères comme la tomate, l'oignon, le poivron, les légumes et autres. Ils indiquent qu'ils viennent de passer plus de 2 ans sans production maraîchère. Ceci a été dû au canal d'irrigation en réhabilitation causant un manque d'eau d'irrigation. Ces cultivateurs demandent la réhabilitation rapide de ces canaux d'irrigation afin qu'ils reprennent leurs activités champêtres. Ils affirment qu'ils arrogissent et manque à gagner, c'est au moment où ils indiquent qu'ils ont utilisé les crédits des microfinances et banques, précisant que certains ont déjà vu leurs biens saisis. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, Béatrice Nyabenda, affirme qu'elle est au courant de cette situation, demandant à ses cultivateurs les aides de se retenir en attendant la réhabilitation totale de ces canaux d'irrigation. Depuis Cibitoke, Alexine Deraguije, Radio Isanganiro. Et dans le reste de l'actualité, en bref, avant la chronique judiciaire, comme je l'ai annoncé, qui sera consacrée à la grâce présidentielle, mes ventes du lait produit en commune Matana de la province Bururi par les éleveurs de cette commune. Les éleveurs concernés disent que le centre de collecte du lait de Matana ne reçoit plus que 50 litres par jour au lieu de 1000 litres par jour au début de 2015. Ces éleveurs qui disent avoir actuellement des problèmes pour écouler leur production voudraient que ce centre reprenne normalement ses activités. Solange Kanyangé, gestionnaire de ce centre, explique que cette situation est consécutive à la perturbation du marché d'écoulement dans la ville de Bujumbura, mais informe que cela va bientôt se renormaliser. Et certains mineurs en conflit avec la loi et gardés au centre de rééducation de Rutimbura dans la province de Ruyigi souhaiteraient poursuivre leurs études. Le gouverneur de la province de Ruyigi estime de son côté que les écoles sont indispensables dans les centres de rééducation. La Direction générale des prisons et des centres de rééducation demande quant à elle à la Direction provinciale de l'enseignement d'aider dans ce sens. Et les Burundais sont sollicités à soutenir financièrement l'équipe nationale de football, les Inhamba Murugamba, qui se prépare à affronter les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale qui se déroulera en Égypte. Ce sera en juin prochain. Le président de la Fédération burundaise de football, FFB, a lancé cet appel ce jeudi lors du lancement officiel de la campagne dite « Dushigikiri Nambazachu ». Révérien de Kuriyo a annoncé que des matchs amicaux avec les autres pays seront organisés pour une bonne préparation des Inhamba. Place maintenant à la chronique judiciaire. Radio Isanganiro, chronique justice. Nous parlons de la grâce présidentielle qui est prévue par le Code pénal. C'est une mesure prévue pour les condamnés et pour certaines infractions. Maître Fabien Segatoua rappelle que les crimes internationaux dont le génocide ne sont pas concernés par les mesures de grâce. La mesure vise une condamnation définitive, donc qui n'est plus susceptible de recours. Cette chronique judiciaire ce jeudi est signée Alain Désiré Boukayenez.